Section 1 de l'Homme de fer. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johanne. L'Homme de fer par Paul Féval, père. Chapitre 1, 2. Chapitre 1, le Seigneur des îles. Le comte Otto tira son glaive et le plongea dans le cœur du vieillard. Un grand murmure accueillit cette conclusion attendue, mais Sir Olivier, baron d'Armois, gardait son sourire tranquille. De nos jours, une histoire semblable à celle de Messire Olivier serait un conte à dormir debout ou bien une légende railleuse. En l'an 1469, c'était un récit tout plein d'émotion et d'actualité. Il ne faut pas oublier, en effet, que les héros mystérieux et terribles de cette légende, le comte Otto de Beringhem, l'homme de fer, vivaient à quelques lieues de Pontorson. Il ne faut pas oublier surtout que bien des mères étaient en deuil depuis que ces soudards tenaient garnison dans les îles Chauzet. Ce que le récit de Messire Olivier pouvait avoir de fantastique dans la forme disparaissait devant la réalité du fond. Il faisait écho aux terreurs de chaque jour. Le temps et le lieu se réunissaient pour augmenter l'impression produite. Le temps, c'était l'heure présente. Le lieu, c'était le pays même. N'avait-on pas vu tout à l'heure dans la plaine la bannière redoutée du comte Otto flotter au vent, flamboyer au soleil? Une autre cause d'émotion, et ce n'était pas la moindre, devait être attribuée au conteur lui-même. Personne ne savait au juste, nous l'avons dit déjà, ce qu'était Messire Olivier. Beaucoup s'occupaient pourtant du mystère de sa vie. Pendant qu'il poursuivait ce récit, dont la bizarre poésie faisait peur et plaisir à la fois, tous les regards étaient fixés sur lui. Avant l'arrivée des valets porteurs de flambeaux, et tandis que l'ombre allait s'épaississant dans le salon, chacun lui faisait un visage à sa guise. Transfiguré ainsi par l'imagination de ses auditeurs, Olivier, dont la voix sonore vibrait dans la nuit, prenait des formes et surtout des proportions presque surnaturelles. On avait entendu des dents claquer lorsqu'il s'interrompait et de longs soupirs soulever les poitrines oppressées. D'où venait-il cet homme au langage entraînant qui se jouait avec la parole comme les virtuoses provençaux avec la viole ou le rebec? Et n'avait-il pas joué un rôle dans ce drame impossible? L'homme de fer l'avait recueilli mourant dans sa galère de plaisance. Il n'avait pas encore dit ses propres aventures dans la cité inconnue des lions. Elle existait donc, cette ville fantôme, à une heure de chemin de la côte d'Avranches, couverte de barques innombrables, et aucune de ces barques n'avait jamais signalé son port. Mystère ! Mystère, sans doute, cet être surhumain qui avait ravi à Satan le grand secret, enveloppait d'un voile cabalistique les effrayants arcanes de sa demeure. On passait auprès des lions sans la voir. Une idée venait à quelques-uns dans le salon du Déron, une de ces idées qu'on repousse en vain et qui s'obstine. On se disait, si le conteur lui-même, si cet Olivier, baron d'Armois, était... Plus d'un frisson courait sous la soie des corsages et même sous l'acier miroitant des côtes de parade. Vous savez, c'est une trinité maudite. L'homme de fer, l'ogre des îles et ce jouvenceau pâle dont les cheveux noirs bouclaient sur un front d'albâtre. Le baron Olivier était si pâle, la plume du corbeau n'était pas plus sombre que ses cheveux. Depuis le moment où Berthe de Morvert, la noble fille, avait élevé la voix pour défendre l'honneur des vierges bretonnes, Madame Reine ne l'avait point quittée. Tant que les hautes fenêtres du salon donnèrent passage aux lueurs du crépuscule, Madame Reine avait remarqué l'œil ardent de Messire Olivier, fixé incessamment sur Berthe. Était-ce rancune ? Berthe restait immobile, les yeux baissés. Dans les demi-ténèbres qui allaient s'obscurcissant de minute en minute, Madame Reine crut la voir deux ou trois fois chanceler. Aux dernières paroles de Messire Olivier, Berthe porta la main à son cœur et sa tête s'inclina sur sa poitrine. Madame Reine était une châtelaine de trop d'expérience pour ne point savoir que le serpent fascine à distance le pauvre oiseau condamné. La prose, qui était sa nourriture préférée, ne pouvait la défendre complètement contre le merveilleux qu'on respirait dans l'air à cette époque crédule. Elle frémit en songeant qu'un sort tombait peut-être sur Berthe en ce moment, Son regard se tourna malgré elle vers le fascinateur. Les porteurs de flambeaux passaient devant messire Olivier. Madame Reine le vit sourire. La flamme de sa prunelle n'allait point à Berthe, ou plutôt elle glissait sur le front vaincu de Berthe et dardait un éclair à Jeannine qui rougissait et baissait les yeux. Il est vrai que messire Aubry n'était pas très loin de Jeannine, et Madame Reine devina que ce n'était pas pour Olivier que Jeannine baissait les yeux. Certes, elle ne voulait pas de mal à la fille du brave écuyer Jeannin, mais elle se demanda pourquoi le mauvais œil allait à Berthe plutôt qu'à cette petite Jeannine. Le mauvais œil, en allant à Jeannine plutôt qu'à Berthe de Morvers, eût si bien fait les affaires de Madame Reine. Il arriva ce qui toujours arrive. La lumière des flambeaux fit évanouir une bonne partie des spectres qui planaient dans les ténèbres. Chacun voulut cacher son émotion. Les têtes se redressèrent, les maintiens et les physionomies se composèrent. Les plus braves se sentaient tout prêts à tourner la chose à la raillerie, quitte à reprendre la chair de poule en éteignant la lampe de leur chambre à coucher cette nuit. « Merci Dieu !» dit le sire de Landal. « Voilà un bel exploit que fit ce comte Otto, tuer un vieillard de 200 ans !»« Pour un chevalier, » répliqua Olivier sans regarder son interlocuteur, « front chauve et barbe blanche font une terrible armure, messire. » Le comte Otto s'enorgueillit de ce coup-là, plus que de tous ses autres faits d'armes. Ses yeux noirs, tandis qu'il parlait, avaient une expression de triomphe. Le front pâle de Berthe ne se relevait point. « Madame ma mère, murmura-t-elle en s'adressant à Reine, une goutte d'eau, je vous prie, je me sens défaillir. » Jeannine entendit. Elle se précipita pour soutenir son amie. Madame Reine la repoussa. Mais sire Olivier eut un sourire en voyant les deux jeunes filles, un instant groupées, mêlées les boucles brunes et blondes de leurs admirables chevelures. Berthe ferma les yeux. « À quoi bon tous ces récits extravagants ?» s'écria Madame Reine en colère, « sinon à frapper le faible esprit des enfants. Voici Berthe de Morvers évanouie. » Aubry était jaloux terriblement de cet Olivier. Il eût voulu, lui aussi, faire tomber les dames en pâmoison. On a deux ambitions principales à 18 ans. Étonner, effrayer. Étonner qui? Mon Dieu, n'importe. Sa mère, ses sœurs, sa cousine. Qui effrayer? N'importe encore. Sa cousine, ses sœurs ou sa mère. Eh bien, demanda-t-on, et la fin de l'histoire? Que fit le comte Otto de son vieillard de 200 ans? Ressuscita-t-il la ville morte? Ces questions se croisaient. Mais sire Olivier gardait le silence. Les dames qui s'empressaient autour de Berthe lui cachaient maintenant les deux jeunes filles. « Elle rouvre les yeux !» s'écria Madame Reine. Messire Olivier saisit cet instant pour répondre. « J'ai effrayé sans le vouloir une noble demoiselle. Veuillez m'excuser, messire, je ne parlerai plus. »« Parlez encore !» dit une voix faible au centre du groupe formé par les dames. « Je veux savoir. » Olivier s'inclina gravement. « C'est un ordre, » murmura-t-il. « Que veut savoir Berthe de Morvers ?» S'il fit de l'or, prononça la jeune fille comme malgré elle. Il fit de l'or, répliqua Olivier. Avec du sang, demanda encore Berthe d'une voix si basse qu'on eut peine à l'entendre. Madame Reine la regardait inquiète et attristée, mais sire Olivier répondit lentement, avec du sang. La curiosité renaissait de plus vive, les dames avaient repris leur place, Olivier restait seul debout au milieu du cercle. Une girandole qui pendait au-dessus de sa tête éclairait en plein son visage. Certaines figures, pour rester poétiques et belles, ont besoin du clair-obscur. La lumière donnait aux traits de messire Olivier quelque chose de hautain et faisait briller la souveraine noblesse de son port. Au grand jour, comme dans les demi-ténèbres, ce pâle jeune homme était maître et roi. Il y avait là de fières lances, des noms illustres par l'épée, des chevaliers vaillants et beaux. On ne les voyait point. Un rayonnement s'épandant autour d'Olivier, baron d'Armois, et fascinait tous les regards. Il y eut des curieux insatiables pour demander, et après qu'il eût fait de l'or. « Ils y ont vie et respire, » répondit messire Olivier. « Ceux qui ont désir de savoir peuvent traverser le mur. »« Baron, » s'écria le sire de Déron, « vous nous avez promis l'histoire de l'homme de fer. »« Ne l'ai-je pas dite, et n'est-ce pas assez ? Que puis-je vous apprendre ? L'or comment, d'ici-bas ? Le comte Otto fait de l'or. » Sous le casque fermé des chevaliers, il y a des figures connues à la cour de France et à la cour d'Angleterre. Il fait de l'or. Il fait de l'or dans ce climat froid et triste. Les orangers fleurissent à son commandement. Le soleil obéissant perce le brouillard pour mûrir ses vignes. Il a des bosquets de myrtes et des forêts de lauriers roses. D'un geste, il fait jaillir de terre ses longs portiques de jaspe, ses propylées d'albâtre, ses longues colonnades de porphyre azuré qui semblent se confondre avec l'azur de ciel. Il fait de l'or. Il est le maître des hommes, messire, par l'or. Par l'or, noble dame, il est le roi des cœurs. Que vaut l'univers, dites ? Le comte Otto va l'acheter. Un jour, il eut fantaisie d'avoir un temple pour adorer le dieu Baal, qui est le soleil et qui est l'or. On dit que les Grecs mirent 4 siècles à édifier le Parthénon et que Saint-Pierre de Rome coûta 350 années. Il fallut 2 siècles et demi pour achever Notre-Dame de Paris, autant que la cathédrale de Cologne. Eh bien, dans l'espace de 31 jours qui composent le mois d'août, le temple des lions a jailli de terre, plus lumineux que le Parthénon, plus grandiose que Paestum, plus vaste que la basilique romaine, plus haut que la Giralda de Séville, plus hardi que l'Alhambra de Grenade, plus riche que le dôme de Milan. Le roi Salomon avait Hiram, mais le comte Otto fait de l'or. Et Lyon, que la mer entoure comme une étroite ceinture, et Lyon est plus large que la France tout entière. Elle contient Otto, qui est grand comme le monde. S'il veut, sa gloire vivra autant que le dernier homme. Les poètes font la gloire, Otto fait de l'or, l'or achète les poètes. Otto méprise les poètes et la gloire. Il respecte l'or, qui seul vaut un culte. En savez-vous assez ? Que possède Louis de France, le grand roi ? Des soldats, des savants, des poètes. Le comte Otto, il aura les poètes, les savants, les soldats du roi Louis et le roi lui-même. Ne murmurez pas, mes seigneurs, mon plaisir n'est point de vous insulter. Vous m'avez fait aujourd'hui troubadour et je chante. Le roi d'Angleterre ou l'empereur d'Allemagne n'ont pas plus que le roi de France. Je ne parle pas même des petits ducs de Bourgogne, de Bretagne et autres. Reste donc le sultan infidèle, sectateur de Mahomet. Noble dame, le hasard de ma vie m'a conduit jadis au-delà du grand désert africain, dans le pays des parfums et des génies. J'ai vu Balsora la splendide, Bagdad la lumière de l'Orient, et Golconde où les cailloux sont des diamants. Je vous le dis parce que cela est vrai. Le domaine du comte Otto est plus opulent que Balsora, plus éclatant que Bagdad, plus prestigieux que Golconde. Le comte Otto fait de l'or. Les merveilles de la terre et de la mer sont à lui. Des pages aux couleurs du Déron entraient, portant sur des plateaux de cristal le vin frais, les mostardes milanaises et les beaux fruits mielés des campagnes provençales. En même temps, les viols et les harpes se firent entendre dans la galerie voisine. Et ne croyez pas, reprit messire Olivier, baron d'Armois, que le comte Otto soit là ou rassasié des délices de sa vie. Le comte Otto fait de l'or. L'or est un filtre. On vit d'or. Le comte Otto a depuis bien longtemps, peut-être, l'âge où la barbe grisonne, où le cœur glacé ne bat plus. La barbe du comte Otto ondule en anneaux soyeux plus noirs que le jais. Le cœur du comte Otto est toujours jeune, car vous avez vu aujourd'hui même la devise éblouissante de sa bannière, à la plus belle. Berthe de Morvert était immobile comme une statue, les sourcils de Jeannine se fronçaient. Messire Olivier prit sur un plateau qui passait une coupe large et profonde. Il la tendit au page, et le page l'emplit jusqu'au bord. Ses yeux eurent un rayonnement pendant qu'il levait la coupe pleine. « Moi qui ne fais point d'or, dit-il, et qui ne suis qu'un pauvre gentilhomme, j'emprunte aujourd'hui la devise du comte Otto Beringhem, et je bois à la plus belle. » Il s'inclina à la ronde. Quand il porta la coupe à ses lèvres, ses yeux étaient revenus à leur point de départ. Ils se fixaient sur Berthe et Jeannine. « Chevaliers et nobles dames, dit le sire de Déron, la salle de danse vous attend. » Les avis des historiens sont partagés sur la question de savoir comment dansaient les chevaliers. Le menuet, déjà connu en Italie, n'avait cours que parmi les baladins. La danse du glaive des anciens francs était depuis bien longtemps tombée en désuétude. Marcou et Jabot dansaient la gigue, mais ils n'étaient pas du grand monde. On pense que le bal se composait d'une sorte de bourrée, analogue à celle des paysans de l'Auvergne. Cela se dansait en quadrille. Mais les croisades avaient transplanté en Europe la plupart des coutumes du Levant. Les Orientaux, nonchalants et pleins d'esprit, aiment bien mieux voir danser que danser. Pour eux, la danse est un spectacle. Au XVe siècle, on peut affirmer qu'en Europe, la danse était surtout un spectacle. Le vrai bal, c'était le tournoi. De nos jours, on aime beaucoup mieux danser que de voir danser. De nos jours, ce qui nous amuserait par-dessus tout, ce serait un spectacle où chaque spectateur aurait son petit bout de rôle. Notre siècle a la rage d'être acteur. Nos gentilshommes conduisent eux-mêmes leur voiture et se cassent le cou de leur propre personne aux courses. Il faut bien faire quelque chose pour vivre. L'illustre compagnie rassemblée à l'hôtel du Déron passa du salon dans la galerie où 12 danseurs napolitains attendaient le signal du maître. La galerie donnait sur cette terrasse qui dominait le pont de Couesnon et les deux rives bretonnes et normandes. On recommença d'entendre le brouhaha de la fête. C'étaient des éclats redoublés de gaieté. Les gars et les filles dansaient en bas autrement que par procuration. La plaine regorgeait de foule et de tous côtés des lumières brillaient dans la nuit. La galerie du Déron était belle et vaste. On respira au sortir du salon fermé. Chacun se sentit un poids de moins sur la poitrine. Était-ce le grand air ou bien l'absence de Messire Olivier ? Messire Olivier, au moment où tout le monde quittait le salon, était resté à sa place, suivant de l'œil Berthe et Jeannine, qui s'éloignaient en se tenant par la main. Quand on ne le vit point dans la galerie, on s'enquit de lui. Les dames le demandèrent, et quelques cavaliers empressés retournèrent au salon. Le salon était vide, mais Messire Olivier avait disparu. Chapitre 2 L'incendie. C'était l'heure ou jamais de parler de Messire Olivier. Les baladins de Naples pouvaient sauter ou se tenir sur la pointe d'un seul pied en agitant le tambour à grelots. On causait, Messire Olivier était sur le tapis. Dieu sait combien d'hypothèses fantastiques furent risquées à son sujet. Où était-elle sa baronnie d'Armois ? À quelle nation appartenait cet accent bizarre et à la fois gracieux qui soulignait si bien ses paroles ? Il avait tout vu, cet homme de 24 ans. L'univers entier lui était connu. Avait-il aussi vaillante l'âme que bonne langue ? Certains prétendaient le savoir. Ils affirmaient que la langue n'était rien auprès de la lame. Mais qu'il était beau. Ceci était l'opinion des dames. Ses cheveux noirs, quelle couronne à son front, quel diamant que ses prunelles. Dame Joseph de la Croix-Mauduit, malgré ses préventions, avait remarqué ses mollets. C'étaient des mollets de dignité première. Les baladins pouvaient danser, les joueurs de harpe et de viol pouvaient s'escrimer. Messire Olivier absent tenait encore captive l'attention de tous. Un fantôme ? Pourquoi avait-on eu cette idée ? À présent, les dames en riaient, mais cette idée est bretonne. Elle devait revenir, même aux dames. Une mère inquiète et bien contente, c'était Madame Reine. Nous avons oublié de vous dire cela, tant notre pauvre Aubry perd de son importance auprès du resplendissant Olivier. Aubry avait aussi disparu. Aubry était évidemment avec le baron d'Armois. On le disait, Madame Reine l'entendait dire. N'était-ce pas effrayant ? Mais n'était-ce pas flatteur et charmant ? De ce fait, Aubry ne recevait-il pas quelques lustres ? Les dames parlaient déjà de lui. Aubry était avec Messire Olivier. Aubry allait devenir tout pareil à Messire Olivier. C'est-à-dire, entendons-nous, Aubry allait avoir tout ce que Messire Olivier avait de beau et de bon. Le mauvais, Madame Reine n'en voulait pas pour Aubry. Elle était si contente, Madame Reine, qu'elle oubliait le dessein formé à l'avance de parler à Berthe de Morvert et de lui faire un peu la morale. Au sens de Madame Reine, Berthe se familiarisait par trop avec la petite Jeannine. Madame Reine parlait comme Javotte, mais Berthe avait entraîné Jeannine sur la terrasse et Madame Reine n'en savait seulement rien. C'était un beau spectacle. L'azur du ciel s'étendait comme un dôme tout parsemé d'étoiles. La lune, qui se couchait derrière les collines de Cancale, laissait deviner l'immense horizon des grèves. Mais l'œil était saisi tout d'abord par les mille lueurs, fixes ou mobiles, claires ou fumeuses, qui diapraient la plaine. Elles brillaient partout, les torches à la longue chevelure de feu, les lanternes balancées au vent du large, les humbles résines abritées au fond de leurs cornets en parchemin. Les rondes joyeuses se déroulaient autour des flambées de genêts ou d'ajoncs. Les fourneaux forains jetaient sous l'effort du soufflet de folles traînées d'étincelles. Le pont chargé de pots à feu et de lampions dessinait son dos d'âne gothique. Le Couesnon lui-même, égalisant sa large nappe d'eau salée, servait de miroir à la fête. Chacun de ses petits flots scintillait gaiement. Et le tapage, et la joie. On avait bu, il y avait trois fois plus de batteries que de danse. Les batteries, avouons-le, sans scrupule, sont l'allégresse d'une fête bretonne. Trois dents cassées, un œil poché, cela refait bien un jeune gars. Et belle-fille a le cœur de gronder le fiancé qui revient avec la vaillante bosse au front ou la compresse mouillée sur l'oreille. À la lutte, on déchire la chemise. À la batterie, on lacère la peau vivante. La lutte est bonne avant souper. Après souper, fermez les poings, lancez le mortel coup de tête ou retournez-vous pour mettre votre talon ferré dans l'estomac des amis. Et vive la joie! Avez-vous des bâtons? C'est mieux encore. Les bâtons sonnent l'un contre l'autre, cela réveille le cœur. Une tête cassée, ne voilà-t-il pas de quoi se plaindre? Le fouet aussi peut servir. Le fouet en manché de cour et portant à mèche poissée au bout d'une corde de 12 ou 15 pieds. Le fouet, quand on le manie bellement, coupe aussi bien que le sabre. En outre, le fouet claque gaillardement. Ne dédaignez pas le fouet. Mais le couteau, jamais, c'est l'arme lâche des villes. Eh bien, la lutte marchait, à grand préjudice des bonnes chemises de chanvre. Le pugilat breton à coups de poing, à coups de tête, ne chômait point. Le bâton faisait merveille, le fouet s'escrimait bravement. Il y en avait pour tous les goûts. Les filles abandonnées se consolaient à la ronde des sabots. « Ma grand-maman, disait Terjou, qui avait un loup, est-ce bout de l'après ?»« Ma grand-tante, d'une fois y fut, nan l'a point revue, l'a-t-il mangé ?» Sabotons, sabotous, garez-vous, les loups-garous. Après le refrain, il faut donner le branle afin de courir à perdre haleine jusqu'à ce qu'un pied trébuche sur le gazon. Dès qu'un pied trébuche, tout le monde tombe pêle-mêle. On rit, on hurle, on se relève, on recommence. Il y a 80 couplets. Après le dernier, rien n'empêche de reprendre le premier. Voilà des plaisirs durables. Mais la ronde est bonne pour les enfants. La litra est le vrai bal des raffinés. Dansez la litra, litra l'île en lyre, sur les talons et sur les genoux. Deux gars pour une fille, deux filles pour un gars, le pain à la main, le lard sous le pouce. Dansez en tournant autour de la table où est le pot, où sont les écuelles, buvez, mangez, dansez, le tout à la fois, c'est la litre, litra l'île en là. Pour ce que la jeunesse s'amuse, ne pensez pas que les métayers et les ménagères sommeillent. Durant ces agapes, on ne sommeille que dans le fossé par trop boire. Ménagères et métayers y sont attablés. On cause gravement, on chante à tue-tête, on juge le cidre avec impartialité. S'il est meilleur que l'an passé, on le dit plutôt 100 fois qu'une, et toujours avec un plaisir nouveau. On traite aussi des sujets philosophiques. On affirme que la pluie est bonne aux guérets desséchés, que le fumier amende la terre, que le soleil fait mûrir les blés. Faut pas mentir. Les marmots mettent leur visage tout entier dans les tasses. Oh, sainte ivresse! Voici Goton et Mathurin sans dents qui s'embrassent comme au premier jour de leur lune de miel. Les carmes font la quête, les soudards fanfarons se vantent des blasphèmes. Les saltimbanques, redoublant de verve à ce moment propice, font un appel désespéré à l'éloquence du fifre et de la grosse caisse. Battez, cymbales, cloches carillonnées, tambours faites orage. Lequel l'emportera du pitre breton ou du pitre normand? Où est le succès à l'enseigne de Roland tête d'âne ou au spectacle de l'enlèvement des Sabines? Le succès est chez le bonhomme Rémy. La vogue a élu domicile dans la grande cabane toute neuve où l'on montre l'ogre des îles dévorant des petits-enfants. Voilà une idée de génie. La fortune du bonhomme Rémy est faite. Depuis midi, il s'augmente d'heure en heure le prix d'entrée et la foule entre toujours. La cabane est trop étroite, que n'est-elle large, comme les grèves. Le père Rémy aurait demain matin de quoi acheter un manoir. On se presse à la porte, on se bat. À l'intérieur, on étouffe. Le grand garçon de Jersey n'en peut plus, tant il a dévoré de foie fier à bras la Régnoire. Et ce nain spirituel a une courbature à force de se laisser dévorer. Olard, olard, à tout coup, on n'a jamais rien vu de si beau. Le père Rémy a maintenant un air d'importance. Il se promène les mains derrière le dos. Quand une chandelle s'éteint à la galerie, il en fait allumer trois. Heureux bonhomme Rémy. Au milieu de cette masse confuse, tumultueuse, bruyante, qui s'agitait sur les deux rives du Couesnon et sur le pont, quatre points lumineux ressortaient pour Jeannine et Berthe, placés sur la terrasse. C'était d'abord la loge du bonhomme Rémy, tout entourée de torches et de lampions. C'était ensuite la tente royale, dressée sur le sol normand, et la tente ducale, dressée sur la terre bretonne. Le roi et le duc avaient bien fait les choses. Leurs tentes pavoisées et bien illuminées semblaient se regarder dans la nuit. Il y avait sans doute festin à cette heure dans l'une et dans l'autre. Mais toutes belles et brillantes qu'elles étaient, livrant au vent leurs banderoles et surmontées de leurs grandes bannières, une troisième tente, dressée entre deux, au bord même du Couesnon, les éclipsait complètement. On avait vu tout à coup, vers la tombée de la nuit, une barque plate remontée à la rivière grossie par le flux. Dans la barque, il y avait 12 nègres habillés de blanc. Avant que les ténèbres fussent tout à fait descendues, les nègres avaient planté les piquets, tendu la toile, la soie et les velours. Un tabernacle splendide s'était élevé, comme magie, rouge, semé de paillettes ou flammèges d'or, avec l'écusson du seigneur des îles au-dessus de l'entrée, lequel écusson était de sable ou noir à la croix arrachée d'argent, écusson de païen. L'escadron des chevaliers de Beringhem était venu vers cette tente au moment où les 12 nègres et la barque se laissaient dériver au reflux. Les curieux avaient pu entrevoir de loin, car où était l'homme hardi qui eût osé s'approcher de la tente du comte Otto? Les curieux avaient entrevu, quand les draperies s'écartèrent pour donner passage aux chevaliers, les magnificences de l'intérieur. Puis une troupe d'esclaves à cheval, précédée par des torches et soulevant dans la plaine un tourbillon de poussière, arriva. Les esclaves étaient habillés à l'orientale. Ils portaient des vins précieux dans ces vases au ventre sphérique, au long col mince et droit, proscrit par le prophète. Des chariots suivaient, chargés de vaisselle, de mets exquis et de fruits vermeils. Le velours des draperies se referma. On entendit bientôt à l'intérieur une musique suave que dominait par intervalles la voix mâle des chevaliers entonnant un hymne bachique. À certains moments, où la joie du festin semblait à son apogée, une détonation se fit, semblable à un coup de tonnerre. Une traînée lumineuse sillonna la nuit et une gerbe d'étoiles étincela au firmament pendant quelques secondes. Quand les étoiles s'éteignirent, la tente du seigneur des îles apparut aux regards éblouis comme un cône incandescent. 10 000 jets de lumière l'éclairaient de la base au faîte. Le roi de France et le duc de Bretagne n'étaient pas assez riches pour déployer un luxe pareil. Mais le comte Otto faisait de l'or. Berthe s'accoudait sur la balustrade de la terrasse. Jeannine était debout à ses côtés. Elle regardait toutes deux cette montagne de lumière dont l'éclat blanc tranchait parmi les lueurs rousses et fumeuses qui parsemaient la plaine. Les rayons de ce fanal géant arrivaient jusqu'à elle. Berthe, sous ses tresses blondes, on paraissait plus pâle, et je ne sais quel effroi superstitieux se lisait sur le front incliné de Jeannine. « Nous vivons dans un temps bien étrange, ma fille, » murmura mademoiselle de Morvert. « Je pense à l'ermite du Mondol, qui t'a salué du titre de noble dame. »« L'ermite s'est trompé, » dit Jeannine. Berthe secoua la tête et répliqua lentement. « Les saints ne se trompent point, parce que c'est Dieu qui parle par leur bouche. » Jeannine laissa échapper un petit cri d'étonnement. « Qu'as-tu ? » demanda Berthe. Jeannine, au lieu de répondre, étendit sa main vers le cône resplendissant qui se mirait dans l'eau tranquille du Couesnon. Berthe ne vit rien d'abord. La masse lumineuse ondulait à la brise. On ne pouvait la regarder qu'à travers des éblouissements. Au bout de quelques instants, comme l'astronome qui aperçoit enfin les taches du soleil, Berthe remarqua sur la surface enflammée un lent et mystérieux travail. Une invisible main éteignait çà et là les lumières, une à une, de manière à tracer des lignes sombres qui se détachaient en noir sur le fond ardent. Les lignes formaient déjà 3 lettres. A, L, A. « Si j'étais homme, » dit Berthe, qui toucha son front du revers de sa blanche main, « je voudrais tenter cette aventure de pénétrer dans la ville morte des lions. »« Oh, chère demoiselle, » s'écria Jeannine, Ne parlez point de la sorte devant messire Aubry. Pourquoi cela, ma fille? Parce que l'idée lui viendrait peut-être d'affronter les dangers de ces îles maudites. Et tu as peur pour lui? J'ai peur pour sa mère, répondit Jeannine en baissant les yeux. Et j'ai peur pour vous. Berthe avait les yeux sur elle. Était-ce la première fois, demanda-t-elle brusquement, que tu voyais le Saint-Ermite du Mont-Dol? C'était la première fois, répliqua Jeannine. Sais-tu que tu es bien belle, ma fille? Prononça Mademoiselle de Morvert comme malgré elle. Il y avait quatre lettres nouvelles, tracées en noir, sur le fond éclatant de la tente. P-L-U-S. Jeannine et Berthe devinaient déjà ce qui allait suivre. Partout, murmura Berthe, qui tremblait. Partout, répéta Jeannine. Il y a en moi une voix qui me crie, ces mots sont une menace terrible. Chère demoiselle, dit Jeannine timidement, si vous êtes menacée, messire Aubry vous défendra. Toi et moi, ma fille, s'écria Berthe avec vivacité, comme si elle eût voulu mettre sur les épaules de Jeannine la moitié du fardeau de ses appréhensions. La menace est pour toi autant que pour moi. Est-ce que tu ne crains pas? Qu'ai-je à perdre, moi? Repartit Jeannine en détournant la tête. Non, je ne crains rien. La vie, ma vie et ma mort sont dans la maison de Dieu. L'honneur, comment prendre l'honneur de celles qui ne tiennent plus à la terre? Mais tu as donc bien souffert, Jeannine, demanda Mademoiselle de Morvert, qui se rapprocha d'elle. Autrefois, tu étais si heureuse et si joyeuse. Autrefois, répéta Jeannine, en laissant échapper un soupir, j'étais une enfant. Les enfants ne savent pas. Et que sais-tu maintenant, ma fille? Je sais que le bonheur est au ciel. Voyons, dit Berthe en baissant la voix, ne veux-tu point me confier ton secret? La dernière lettre est tracée, s'écria Jeannine, éludant ainsi la question. Berthe reporta son regard vers la tente. Les lettres noires formaient les quatre mots de la devise de l'homme de fer à la plus belle. En ce moment, un sourd tumulte se fit dans la plaine bretonne. On eût dit le bruit d'une lutte qui avait lieu vers la cabane du bonhomme Rémy, l'heureux impresario en train de faire sa fortune. Des cris et des malédictions s'élevèrent bientôt, les lanternes et les lampions qui entouraient la baraque s'éteignirent. De tous les coins d'hiver où la foule s'était éparpillée, la foule s'élança vers la loge du bonhomme Rémy. Une nouvelle s'était répandue dans l'assemblée avec la rapidité de l'éclair. Berthe et Jeannine écoutaient et regardaient cette cohue qui se mouvait désordonnément dans l'ombre. La cause du tumulte leur échappait encore. Tout à coup, une grande clameur de détresse monta en même temps qu'une épaisse fumée. « au feu !» cria la foule. Quelques coups d'arquebuse retentirent. Les hôtes du sire du Déron quittèrent la galerie et se précipitèrent sur la terrasse à l'instant où la flamme, se dégageant violemment de ses langes de fumée, jaillissait en gerbe au-dessus de la loge de Rémy. Une seconde fusée partie de la tente du seigneur des îles traça dans l'air sa courbe chevelue et jeta sa cascade d'étoiles. « Au feu, au feu, au feu !» clamait la cohue sur la rive bretonne. Chacun put remarquer ce fait. La tente royale et la tente ducale éteignirent à la fois leurs fanaux, comme si elles eussent eu honte de paraître. Ne voulant ou ne pouvant réprimer, elles se voilèrent. Nous disons réprimer, car l'incendie qui dévorait la pauvre masure était un méfait patent. On avait vu les porteurs de torches qui l'avaient allumé méchamment, et pendant que la foule éclatait en cris de détresse, un cercle muet d'hommes couverts d'acier entourait la loge et fermait tout passage au secours. Dans la loge, on entendait des plaintes confuses et désespérées. Sur la terrasse du Déron, dames et chevaliers s'interrogeaient les uns les autres. Quel démon avait jeté le brandon sur cet humble toit? Il y avait comme une réponse muette dans le spectacle que présentait la plaine. L'ombre avait envahi les deux rives du Couesnon. Pour regarder l'incendie rouge et voilé de vapeur, il n'y avait plus que la tente du seigneur des îles, toujours radieuse et vêtue d'étincelles. À mesure que la cabane brûlait, on apercevait mieux de la terrasse du Déron le cercle d'hommes d'armes qui protégeait l'œuvre de destruction. Les chevaliers n'auraient pas eu le temps de monter à cheval. Le feu ne faisait qu'une bouchée de ces minces planches, et s'il n'y avait pas eu des créatures humaines à l'intérieur, c'eût été comme un feu de joie. L'incendie jeta son dernier soupir. Cette grande flamme qui bondit au-dessus de la maison à l'agonie quand la toiture s'abîme. La terrasse du Dairon s'éclaira vivement à ce coup. On vit, entre Jeannine et Berthe, muette d'horreur, Messire Olivier, baron d'Armois, qui regardait froidement l'incendie. Aubry, accoudé contre la balustrade, essuyait son front baigné de sueur. « Celui-là, c'est tout !» prononça le sire du Dairon à voix basse, en montrant Messire Olivier. « le nom de l'incendiaire » criait-on de toutes parts. Messire Olivier promena sur la noble assemblée un regard souriant et tranquille. « Pourquoi le saurais-je mieux que vous ? » demanda-t-il. « Vous le savez, » dit Madame Rennes avec autorité. Berthe répéta, comme si une voix qui n'était point la sienne eût parlé au-dedans d'elle. « Vous le savez. »« Je le sais, » répondit Olivier, dont le froid sourire prit une expression de sarcasme. « Mais Messire Aubry de Kergariou le sait comme moi. »« Le nom !» s'écria-t-on en chœur. « Le comte Otto Beringhem, » prononça Aubry tout pâle et avec un frémissement. « Et pourquoi ce crime lâche et abominable ?» Aubry se tut. « Voilà ce que mon jeune compagnon ne sait pas, » dit Messire Olivier, en rejetant à droite et à gauche les belles boucles de ses cheveux noirs. « Le comte Otto ne veut pas qu'on lui désobéisse. » « Et le comte Otto s'attaque à des malheureux sans défense, » dit Madame Rennes avec dédain. « Il y a dans la plaine de Pontorson, » répondit Messire Olivier, « un roi, un duc et des chevaliers. Malgré les chevaliers, malgré le duc et malgré le roi, le comte Otto a puni ceux-là qui lui avaient désobéi. » Messire Olivier avait, en parlant ainsi, la voix calme et douce. Seulement son front s'était redressé, tandis que sa prunelle lançait un rapide éclair. Berthe avait les yeux fixés sur lui. Jeannine regardait Messire Aubry qui semblait la fuir. La cabane du bonhomme Rémy n'était plus déjà qu'un amas de charbon. La lueur du feu jetait à peine quelques sombres reflets à l'acier des armures. Une troisième fusée déchira le ciel. Quand elle éclata, la tente du seigneur des îles éteignit comme par enchantement son illumination resplendissante. La plaine entière se plongea dans les ténèbres. Au milieu de cette obscurité soudainement venue, on put entendre la voix tranquille de Messire Olivier qui disait « Demain il fera jour. Ceux qui blâment le comte Otto Beringhem ont toute une nuit pour aiguiser le fer de leurs lances et fourbir leurs épées. » Fin de la section 1.